ni omungere. Et mais tous ces mités vous assurent la mise en onde. Bon après-midi à tous et merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal et la grande édition de ce lundi 27 août 2018, dont voici les principaux titres. La direction du Conseil national pour le respect de l'art corde à Rochelle, la restauration de l'état de droit sénarère d'une plateforme des opposants en exil a décidé récemment de suspendre de ses organes certains de ses membres pour 3 mois. Parmi ses membres figurent Frédéric Bambouguignon-Villa et Jérémy Minane. Vous entendrez les détails dans ce journal. Et de l'autre côté, le gouvernement burundais, via le porte-parole du ministère de l'Intérieur, dit être prêt à accueillir les exilés politiques, aussi bien les 34 qui sont recherchés par la justice burundaise. C'est au moment où le nouveau rendez-vous d'Arusha pour le dialogue inter-burundais pointe à l'horizon. Et les commerçants du marché de Kinama, au nord de la capitale Bujumbura, demandent que les travaux de réhabilitation de leur marché soient clôturés. Ils dénoncent les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent dans un marché plein de déchets de toutes sortes et d'eau stagnante. En actualité sportive burundaise, la formation Musongati de Gitega est classée provisoirement la première dans le championnat de football en première division. Et en dernière et 16e position se trouve Flambo du centre de Gitega même, qui a perdu 3 matchs d'affilée. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page politique pour débuter ce journal. La direction de la plateforme des opposants en exil Sénared a suspendu pour 3 mois des organes et dirigeants de cette plateforme et certains de ses membres. Certains sont accusés de détenir le matériel qui leur a été remis pour faciliter le travail de cette plateforme. Les décisions prises par cette direction signalent que la dite direction se réserve le droit de saisir la justice en cas de refus de personnes citées de s'exécuter au Ban Nyohur. La mesure de suspension pour 3 mois des organes dirigeants du Sénared a été prise contre Frédéric Bambouguignon-Villa et Jérémy Minane. Le premier est accusé de détournement de fonds de cette plateforme quand il était encore secrétaire général adjoint du Sénared. En plus, selon la décision de la direction du Sénared de ce 25 août, M. Bambouguignon-Villa, après sa démission au poste de secrétaire exécutif, aurait refusé de remettre l'ordinateur portable que cette plateforme lui avait octroyé pour faciliter son travail. Le second, Jérémy Minani, aurait lui aussi refusé de remettre à la fin de son mandat de commissaire chargé de la communication et des relations publiques l'ordinateur portable qui lui avait été octroyé pour faciliter le travail de cette plateforme. Celui-ci n'aurait plus non plus la qualité de représenter le parti RTB au sein du Sénared, puisqu'il a été exclu de ce parti, signale la même décision. Pour Pancras Chimaye, actuel porte-parole du Sénared, il a été sommé de remettre le code d'accès du site web du Sénared qu'il aurait usurpé. Merci Aubin. Un de ces hommes politiques suspendus de la plateforme Sénared, contacté par la Radi Sanganiro, préfère ne pas dire plus sur cette décision. Frédéric Bambouguignon-Villa, ex-président du parti Sawanya Frodebou, dit ne pas considérer la décision de suspension et de mise en garde prise par Dr. Jaminan, président du Sénared, contre 3 acteurs politiques de sa formation politique. Et le gouvernement burundais s'apprête à accueillir les exilés politiques en exil qui désirent rentrer au pays. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur et en même temps assistant du ministre le dit au moment où une nouvelle session du dialogue inter-burundais d'Arusha en Tanzanie est en cours de préparation. C'est le Terence Nahiraja. Même les 34 qui sont poursuivis par la justice burundaise peuvent rentrer et se concerter avec le gouvernement burundais. Il déclare que la sécurité totale est au Burundi. Suivez-le au micro de Léonce Vitalio. Il n'y a aucun problème de sécurité. En témoignent même les propos de certains représentants des Nations Unies. Ici, je peux citer Michel Kafando, qui, dans le dernier Conseil de sécurité des Nations Unies, a préciser qu'au Burundi, il n'y a plus la sécurité. Je voudrais rassurer nos chers politiciens qui sont à l'étranger qu'il y a déjà une partie de ces politiciens qui est déjà rentrée ici. Si on fait un regard rétrospectif au début de l'année 2017, nous avons aussi quelques politiciens burundais ici. On peut citer Aïssen Zomukunda, qui est responsable d'un parti politique, et Joseph Ndénédésastre, l'honorable, qui est aussi un parti politique qui le dirige. On peut citer le président du Banougaïa, l'ancien ambassadeur de la République du Burundi à Bruxelles, et beaucoup d'autres. Alors, j'invite même ces critiques de venir parce que tout Burundais qui rentre et qui voudrait se sécuriser, nous avons une armée vraiment composée de tous les Burundais, de toutes les tendances, et Hutu est aussi comme le prévoit l'accord d'Arusha. C'est pourquoi je invite de rentrer, de venir, même les 34 qui sont acquis de Tripouchiste. Et il peut arriver qu'il y ait des enquêtes approfondies. Et s'il rentre, c'est une bonne chance. Il pourrait déjà demander un pardon ou bien se présenter à la justice. Vous rassurez les 34, la liste des 34. Attendez, bien entendu, parce qu'au lieu de s'écrire dans le monde entier sans avoir de la paix, il faut venir. Et le Burundi, c'est leur patrie. Il faut se présenter à la justice pour être jugé ou même demander pardon. Qui dit qu'à un moment donné, il peut même bénéficier de la grâce présidentielle, je ne sais pas. Ça arrive pour la plupart. C'est très bon de se présenter à la justice que d'être recherché et attrapé quand on est en train de fouiller. À vous entendre, on dirait qu'on pourrait avoir un consensus au cinquième sommet. Nécessairement, pourquoi? Pourquoi je dis cela? N'oublie pas que la plupart des questions, et surtout celles qui relèvent de la souveraineté du pays, ont déjà trouvé une réponse favorable dans l'actuelle constitution de la République du Burundi. Les questions de mandat et autres, c'est fini. Ce qui reste, c'est quoi? Ce ne sont que les préparatifs. Mais également, ce qui reste, c'est l'adaptation du cadre légal relatif aux élections à la nouvelle constitution. Et pour faire cela, ce n'est pas à Arusha qu'on doit refaire. C'était Terence Nairaja, il est le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et le nommé Abdelimana Vianney Alias est ici chef de rabatteur au centre de négociation de Bugendana en province de Gitega, résident au camp des déplacés de Bugendana, aurait été enlevé le samedi vers 9h par des agents non encore identifiés. Les informations sur place font état des hommes qu'il l'a embarqué de force dans une camionnette type Hilux, double cabine, non immatriculée, qui par la suite a pris la direction vers la province Ngozi. Et Pierre Houliki, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, dit que la police est au courant et que des enquêtes sont en cours pour retrouver la victime et arrêter les malfaiteurs. Et la régie des eaux tranquillise les habitants de la commune Nahangwa qui sont concernés par le manque d'eau qui s'observe dans cette commune. La régie des eaux fait savoir que le problème est dû aux travaux de remplacement du sable et gravier colmaté qui viennent de passer 2 mois. Ces travaux arrivent à une étape satisfaisante selon cette entreprise de distribution de l'eau et d'électricité et pourront être achevés avant la fin de cette semaine. C'est au moment où certains habitants de cette commune, Nahangwa, avaient exprimé leur sentiment de désolation suite à ce problème de manque d'eau qui s'observait dans cette commune il y a quelques jours. Vous n'avez pas Isangani l'eau? Vous ratez l'essentiel. Et dans la suite de ce journal à 13h04 dans les studios de la radio Sanganiro, la communauté Batoua en province Muyinga dénombre moins de 300 enfants scolarisés pour plus de 1400 ménages. L'étiquette scolaire a été distribuée à 250 enfants le week-end dernier afin de se préparer à la prochaine rentrée scolaire. Le leader Batoua compte rehausser le niveau de scolarisation chez cette tranche de la population qui a moins d'enfants sur le banc de l'école pour diverses raisons, dont la pauvreté, n'est-ce pas, Dieudonné Nzeimara depuis Muyinga. Dans le village de Batoua de Chibali, avec une cinquantaine de ménages, seulement 5 enfants sont scolarisés. À Ruganigwa, village avec plus d'enfants sur le banc de l'école, l'on dénombre 56 qui étudient à l'école fondamentale et 80 qui restent à la maison. Aimable Siwomana, un des leaders Batoua dans la province Muyinga, précise qu'au total 273 enfants sont sur le banc de l'école sur l'ensemble des 1470 ménages Batoua que compte cette province. Seulement 4 Batoua ont franchi le niveau des humanités générales, dont 2 chômeurs. La misère dans les familles constitue l'entrave majeure à la scolarisation malgré la gratuité de l'enseignement au Burundi. Suivre les cours quand on crève de faim est une tâche difficile d'après pas mal de parents. Autre raison, l'ignorance des avantages de l'école. Les sensibilisations continuent. C'est dans la logique de se préparer à la prochaine rentrée scolaire que 250 enfants batois ont eu une aide en kit scolaire, dont des sacs à dos et des cahiers samedi. Cette aide a été octroyée par l'Association pour l'intégration et le développement durable au Burundi, AIDEB, avec l'appui de l'Agence onisienne pour l'enfance, UNICEF. De Muyinga, Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné Nzeyimana. Et en actualité sportive, la formation Musongati de Gitega est classée provisoirement à première dans le championnat national de football en première division. À la troisième journée du 10 championnat, cette formation a battu Flambeau du centre de Gitega, mais met 3 buts à 0. Dans la 16e place et dernière position du championnat se trouve Flambeau du centre qui a déjà perdu 3 matchs d'affilée. Les détails de l'actualité sportive avec Evariste Nsikobanyang. Samedi de la semaine écoulée, le championnat national de football en première division était en sa troisième journée. Olympique Star de Muyinga a battu Messager Bujumbura sur le score de 3 buts à 2. Flambeau de l'Est a égalisé avec Aigle Noir de Makamba, un but partout. Rukinzo FC a battu Ngozi City sur le score Fleuve de 5 buts à 0. Bujumbura City a égalisé avec Kayanza United, un but partout. L'idéalité que Burundi Sport for Africa a été battu par les Lières sur le score de 2 buts à 1. Ce dimanche, la formation de Vitalo de Bujumbura est allée battre à domicile les Messager Ngozi 2 buts à 1. Musongati a largement dominé Flambeau de l'Est, toute de Gitega 3 buts à 0. Bumamuru de Chibitoke s'est incliné à domicile devant Atletico Olympique 1 but à 0. À la troisième journée du championnat, c'est la formation Musongati de Gitega qui est provisoirement première avec 9 points pour avoir remporté 3 matchs. En deuxième position se trouve Aigle Noir de Makamba avec 7 points pour avoir gagné 2 matchs et égalisé une fois. Olympique Star de Muyinga est troisième avec 6 points pour avoir remporté 2 matchs et perdu un match. En quatrième position se trouve les Lières de Bujumbura avec 5 points pour avoir gagné un match et égalisé 2 fois. En cinquième position se trouve Atletico Olympique de Bujumbura avec 5 points, elle aussi pour avoir gagné un match et égalisé 2 fois. En 16e position et dernière du championnat se trouve Flambeau du centre de Gitega avec 0 points pour avoir perdu tous les 3 matchs. Merci Evariste Nzikobanyanga pour tous ces détails. Des eaux stagnantes et très sales et des déchets de toutes sortes sont observés à l'intérieur du marché provisoire de Kinama. Nous sommes au nord de la capitale Bujumbura. Les commerçants du dit marché indiquent qu'ils travaillent dans de mauvaises conditions étant donné que la pluie commence à tomber. Certains de ces commerçants demandent que les travaux de réhabilitation de leur marché soient achevés pour qu'ils puissent exercer leurs activités dans un endroit bien aménagé. Et la route dénommée Avenue de la Jeunesse, tout près de l'église vivante de Jabé, dite chez David, en commune Mokaza, mairie de Bujumbura, est menacée par un ravin qui s'y est creusé. Certains des conducteurs de vélos ayant leur parking près de cet endroit affirment que ce ravin a déjà causé des accidents et demandent que ce ravin soit bouché. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que la direction du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration de l'état de droit Sénarède, une plateforme des opposants en exil, a décidé récemment de suspendre de ses organes certains de ses membres pour 3 mois, parmi lesquels figure Frédéric Bambouguignon-Vira et Jérémy Minane. De l'autre côté, le gouvernement burundais, via le porte-parole du ministère de l'Intérieur, dit être prêt à accueillir les exilés politiques, aussi bien que les 34 qui sont recherchés par la justice burundaise. C'est au moment où le nouveau rendez-vous d'Arusha pour le dialogue inter-burundais pointe à l'horizon. Et les commerçants du marché de Kinam, au nord de la capitale Bujumbura, demandent que les travaux de réhabilitation de leur marché soient clôturés. Ils dénoncent les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent, notamment un marché plein de sable, de déchets, de toutes sortes et d'eau stagnante. Et en actualité sportive et nationale, vous venez de l'entendre que la formation Musongati de Gitega est classée provisoirement la première dans le championnat de football en première division. Et en dernière et 16e position se trouve Flambeau du centre de Gitega Meme qui a déjà perdu 3 matchs d'affilée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Aimé Toussemitebouti pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Placide Nemungere. Un bon après-midi à tous. Au revoir.